que tu penses pas, tu vois. Ouais. Tu regardes. La peur et le sauveur de ta vie. Il peut y avoir une classification. Tu vois le plan. Tu vois le plan s'en aller en avant. Tu vois ça comme tomber comme ça. Mais tu sais pas, dans ta vie personnelle, comment ça va, où ça va tomber, puis quand ça va tomber, puis comment ça va tomber. Mm-hmm. C'est ça qui est inquiétant pour la sécurité de l'ego. Ouais. Ouais. Mais c'est quand pour ça, la c'est... balle est lancée, là, mm-hmm. tu la vises, là. Mm-hmm. Elle va te tomber en dehors des lignes ou en dedans des lignes, tu sais, l'ego chèque tout le temps. Ouais, ouais, il s'inquiète. Du résultat de, des conséquences de. Ouais. Où ça va mener, ça? Puis tu sais qu'on sait pas, parce que nous autres, on n'est pas intelligents. On sait pas que la balle, elle va tomber dans un endroit où les conditions qui sont là, matérielles, je parle, sont pas celles que je vois d'ici. Mm-hmm. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Par exemple, supposons qu'aujourd'hui, moi, je regarde mon compte de banque, là, pour prendre un exemple. Je peux pas m'imaginer que quand la balle elle va tomber, que le compte de banque, toutes les coordonnées vont être changées. Mm-hmm. Fait que je pense logiquement, puis logiquement, ça n'a pas d'allure, les coordonnées peuvent pas être changées. Ça, c'est de l'extrapolation. Mm-hmm. Mais on peut pas extrapoler dans l'intelligence. C'est instantané tout le temps. C'est ça. C'est quand tu es rendu là que ça tombe au pied. C'est ça. C'est ça. Tu peux pas extrapoler avec l'intelligence. Ça défie toutes les lois ouais. du raisonnement. Oui. Comme tantôt, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. C'est pas raisonnable tant tout ce que tu dis que l'homme conscient va vivre dans une facilité matérielle quand tu vois tout ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. C'est absolument illogique. Mm-hmm. C'est oui. Raisonner, c'est se servir de ce qui fait déjà partie de nos inquiétudes. Quand tu raisonnes, tu te sers de ce qui fait partie de tes inquiétudes. Tout le temps. Même si tu raisonnes un problème mathématique, tu as l'inquiétude de ne pas avoir trouvé la solution. Dans l'événement, tu sers toujours d'un standard qui a déjà été établi à quelque part. Tout le temps. Il y a toujours des valeurs avant toi qui ont déjà été là. Ouais. Conforme aux valeurs, ben, conforme aux valeurs. C'est ça. Tandis que dans l'intelligence créative, il n'y a rien. Ouais. Exactement. Tu fais. Ouais. Donc, tu peux bien planifier. Non. De la planification. Non. Dieu sait son planifié. Oui. C'est la part de l'administration, en fait. J'utilise un modèle déjà établi pour l'enrichir. Tu ajoutes au modèle qui est déjà établi. Le modèle, c'est l'impression. Tu l'enrichis. Il est fait d'impression, le modèle. Ils disent que notre vie astrale, notre vie humaine, c'est une maquette. Puis on a l'impression de vivre d'une belle maison solide. C'est rien qu'une maquette. Puis elle est faite, cette maquette-là, de toutes sortes de matériaux qui sont maquettes, ce sont des impressions. Puis aussitôt là, qu'on commence à aller vers une autre sorte de maison qui est solide, là, qui est construite totalement différente, on panique. Tout ça, c'est drôle, quand ils disent ça. Moi, ça m'a déjà dit bien clairement, vous êtes donc fous. Vous êtes comme des... Tu sais, comme l'image que j'avais, là, c'était comme... vous êtes des petits bébés, là, non. dans les bras de votre frère de 2 ans. Mm-hmm. Vous pensez bien, bien, bien en sécurité. Mm-hmm. Nous, on voudrait vous reculer de là pour vous mettre dans une sécurité, mm-hmm. puis vous broyer. C'est ça. C'est ça. Moi, ils disent tout le temps, comment est-ce qu'ils disent ça? On se plaint le ventre plein. Parce qu'on a l'impression d'avoir le ventre vide. Mais on a le ventre plein. Qu'on est. C'est comme qu'il se banquait, il est tellement là. Ouais. Il fait tout manger. Ouais. Ouais. C'est tout comme l'écho, là, à un moment donné, quand il sent quelque chose, comme il veut, admettons, je veux changer de travail, OK? C'est comme il y a quelque chose que tu ressens que c'est pas le temps encore, que quelque chose t'en met pour toi, tu vas savoir que tu fais ce travail. Au moment-là, tu écoutes le mouvement, ça arrive. Pile. Sans ça, tu t'inquiètes. Ça, c'est l'astral. Ta mémoire, toute la patente. Puis tu fais les sens qu'il y a dedans. Dans les sens. Pour pouvoir être capable de garder le tourner malgré toutes les interférences. Ouais. Ils disent que la résistance de l'ego à l'intelligence, c'est la couleur de nos émotions. Parce que nos émotions ont des couleurs. C'est la couleur de nos émotions qui crée la résistance à l'intelligence. Alors, plus on a eu de souffrance, plus on a eu. Plus on était chaudé, plus on a de la résistance. Notre concept de sécurité qu'il faut démolir. Notre concept de sécurité doit être totalement mis à terre. Puis tu te rends compte en souffrant, puis en recevant des tuiles sur la tête, et tout ce que tu pensais qui te sécurisait, finalement, c'était de la merde. Ben, t'en as plus besoin, tu dis, la sécurité, tu la cherches plus. Ouais. Fait que là, tu n'as un autre. Donc, vraiment. Tu vois, c'est ça, ce concept-là de besoin de sécurité. Ouais. La sécurité existe pas. Ouais. La sécurité telle qu'on la conçoit, telle qu'on a besoin, telle qu'on la veut, comme une part de l'argent, ou d'être bien dans la vie matérielle, la maladie économique. Oui, oui, oui. C'est le concept de la sécurité, là. Le faux concept. Besoin, là. C'est un faux concept. Oui, oui. Comme quand tu te maries, puis que tu dis que tu es sécure avec un bonhomme, puis finalement, ben, c'est pour lui qu'il apporte de la sécurité. Tu te rends compte une fois qu'il est parti, par exemple. Oui. C'est un homme. Oui. C'est tout le... Et puis l'argent, c'est pareil, c'est pour ça que tu sécurises, puis ta job, c'est pour ça que tu sécurises. Non. C'est tout le problème de la spiritualité. Pour que l'homme soit en sécurité matérielle, comme en sécurité mentale, il faut qu'il soit dans l'intelligence. Et quand tu es plus sécure matérielle, tu vas sécuriser dans la spiritualité. C'est ça. Exactement. Tu arrives à la fois où tu es saturé, puis la spiritualité, tu comprends, là. Exactement. Exactement. Tu débarques, moi, ce qu'il y a, c'est que la spiritualité te donne une certaine stabilité psychologique qui te fait passer par-dessus pour la sécurité matérielle. Et quand ça débarque aussi, ben, tu perds les pédales. Pour ça. Le seul problème de la spiritualité, c'est qu'on pense de sauver l'homme en mettant une belle couleur à son émotion. Et la couleur est encore haute. Il faut apprendre à reconnaître la différence entre le déséquilibre et le rééquilibre. Il faut réaliser, quand on est déséquilibré, qu'on l'est pour être rééquilibré à un autre niveau. C'est très important qu'on vive le déséquilibre, mais c'est très important qu'on ne perde pas de vue qu'on perd le déséquilibre pour en avoir un autre. Et on le perdra, cet équilibre-là, pour en avoir un autre. On va être déséquilibré pendant des années de temps. Ce déséquilibre-là ne provient pas de l'intérieur, de l'environnement, de l'âme, mais intérieurement. Une fois reconnu, ça l'aide beaucoup à reconnaître, à éliminer tout ce que nous autres. Reconnaître, c'est de l'intérieur, c'est un travail qui se fait. À ce moment-là, il est plus solide dans l'humain. Oui. Oui, il faut que l'homme reconnaisse que ces déséquilibres-là sont créés intérieurement et qu'ils font partie de sa conscientisation. Fait qu'éventuellement, il est habitué à être déséquilibré. Et plus il s'habitue à être déséquilibré, moins il souffre des déséquilibres. Mais sachant toujours que ça vient d'en dedans. Puis ils peuvent très bien nous déséquilibrer physiquement, nous rendre malades. Parce que quand ils nous rendent malades puis qu'ils travaillent intérieurement en même temps, je te dis que... Là, on est pogné sur tous les fronts. Alors, c'est important pour nous autres d'être capables de prendre conscience des déséquilibres qu'ils peuvent créer, soit sur le plan matériel ou sur les autres plans. Mais c'est surtout sur les plans intérieurs qu'on doit le réaliser le plus comme étant une nécessité qui est temporaire. Après, à ce moment-là, on prend saisie, puis... Ça se replace. Parce que si on regarde en arrière, depuis qu'il commence le travail dans nos vies, on s'aperçoit que tout s'arrange. Puis ça, ils disent que c'est une formule extrêmement importante pour nous autres d'avoir dans notre tête. Tout s'arrange. Puis c'est vrai que tout s'arrange. Mais on a toujours la maudite habitude de paniquer. Là, ça reste. Ouais. C'est parce qu'à ce moment-là, mais on n'est plus affecté par ce qui se passe. Fait que

Mais allez pas me couper le cou en me disant ça à vos frères qui sont des sœurs. Le haut. Parlez de cette énergie bleue. Je suis tanné. J'aime pas ça répondre à vos questions, je sais pas pourquoi. C'est pas parce que vous êtes pas fine. C'est parce qu'il y a une particulière, il y a une sorte de curiosité dans vos questions. C'est ça, l'énergie à coupe automatiquement. Quand vous allez pouvoir me demander une question sans qu'il y ait de curiosité, à ce moment-là, moi, vous répondre. Bon, Bernard, j'avais une question. Tu sais, à un moment donné, là, quand une vibration change devant ta voix, ça apparaît. Quand tu parles à des gens, là, tu dis, ben, ils pourraient pas, mais ça peut leur donner mal à la tête. Le problème. Oui, mais vous, c'est parce que vous avez une sensibilité, là. Mais ça vous fait développer une résistance. Pour que vous en arriviez un jour à plus avoir mal à la tête. Non, je parle du mal de tête que je donne aux autres. Ouais. C'est ça, ouais. En avez-vous des mal de tête quand je parle? Oui, c'est officiel, j'en ai des mal de tête. Ouais. C'est pour ça que je veux savoir, j'ai une façon de parler, une chose à faire. Pourquoi est-ce que ces gens-là aggravent des mal de tête? Vous pouvez pas changer vos vibrations. Vous pouvez pas changer votre façon de parler. Votre façon de parler, c'est la façon de parler qui est ajustée à votre mental. C'est pas votre problème. C'est leur expérience. Moi, c'est pour ça que le livre que je vais écrire, je vais me cacher, mais je le sors. Parce que...